Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Les archéologues seraient-ils enclins à céder à la mode ? Probablement pas, et pourtant, mondial oblige, c'est sous un terrain de football qu'ils viennent de mettre au jour ce qui est sans nul doute la plus belle découverte de l'année. Qui pouvait imaginer que dans l'Oise, à la sortie de Pont-Saint-Maxence, se dressait un gigantesque sanctuaire antique voué à quelques dieux du panthéon gréco-romain ? Avant que ce sanctuaire antique ne cède la place à un centre commercial, nouveau temple de la consommation, nous nous sommes rendus sur le terrain pour rencontrer Véronique Brunet-Gaston, archéologue à l'INRAP. Véronique Brunet-Gaston, vous nous accueillez sur votre chantier de Pont-Saint-Maxence, un chantier où de prime abord, on ne voit pas grand-chose. Oui, en effet, on est quand même dans un grand espace assez vide, mais il faut se rapprocher de toutes les structures pour en comprendre l'importance. Alors, nous sommes quasi au cœur de l'espace que vous fouillez. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir au cœur de cet espace, hein ? Donc là, nous sommes situés vraiment au centre d'une grande enceinte qui fait 70 mètres de large sur 105 mètres de long. Et là, nous sommes juste à côté de la plateforme du temple. Et qu'est-ce que l'on pouvait avoir sur cette plateforme du temple ? Donc un édifice rectangulaire avec un petit escalier et puis tout un décor apparemment de plaquage de marbre parce que c'est ce qu'on a retrouvé. Et on a aussi un fragment de chapiteau corinthien qu'on a retrouvé dans la démolition. Alors si je tourne la tête à gauche ou à droite, ce que je vois c'est une sorte de longue tranchée, je dirais le côté long d'un rectangle. Derrière, c'est la fin du temple et on a deux sortes de petits appendices. Voilà, à l'arrière donc de cet enclos qu'on va appeler péribole, on va utiliser des gros mots, on a deux pavillons qui devaient servir aux services et aux aménagements liés au temple en lui-même. Et puis deux personnes fouillent dans un des angles. Qu'est-ce que vous avez là ? Là, pour l'instant, on est encore justement vraiment dans le cœur de la recherche. On est sur un four. On ne sait pas encore si c'est un four de potier ou un petit four domestique où il y a eu beaucoup de rejets de céramique. Mais pour l'instant, on n'a pas tout à fait sa chronologie. On est vraiment là en train de l'étudier. Et puis, sur le côté, l'autre angle, vous avez une pelle mécanique, des gens qui pelletent. Que se passe-t-il ? Donc là, on est en train de nettoyer les dernières structures. On a tout un réseau de fossés et de trous de poteaux qui sont au-delà de l'enclos du sanctuaire. Donc on est en train de finir de nettoyer et de fouiller ces structures. Alors nous sommes sur la découverte exceptionnelle de l'année, faite en France. Vous me dites temple ou vous me dites sanctuaire ? Les deux, c'est on a un temple au milieu qui est le joyau au sein d'un sanctuaire, en fait, de cet grand enclos qui préserve son espace. Après, pour l'instant, on est encore dans l'expectative de savoir quelle est sa vocation définitive. Alors, puisque nous sommes au cœur de ce temple, on dit la cella, d'après ce que je crois, hein, on doit s'imaginer ça avec une immense statue au centre ? J'ai eu justement des informations de fouilleurs ou d'érudits locaux me disant qu'une statue d'un Apollon en bronze a été trouvée dans l'Oise. Après, ce n'est pas forcément celle qui ornait ce temple, mais il faut imaginer, oui, une statue de culte, voire plusieurs statues. Est-ce que c'est un énorme temple pour l'époque gallo-romaine ? Non, c'est vraiment un tout petit temple, parce que le temple de Chanlieu, qui est à 40 km d'ici, est deux fois plus grand. Donc on est vraiment sur un petit édifice, en fait. Pont-Saint-Maxence, on n'en sait rien de son passé ? On ne connaît pas trop de choses sur Pont-Sainte-Maxence, mais à l'occasion justement de cette découverte, les langues se délient et j'ai eu des informations là aussi sur la proximité d'un théâtre, d'un rempart romain. Et pour l'instant, on ne situe pas exactement la ville de Litano-Briga qui se situe sur l'itinéraire d'Antonin et comme justement ce sanctuaire se développe le long de cette grande axe routier. On peut supposer que vu l'ampleur et la richesse architecturale du lieu, on peut peut-être figer l'Itano-Briga à Pont-Sainte-Maxence. Cette voie romaine, elle allait d'où à où ? Donc on part de Sens, après on récupère le Gournay-sur-Aron, donc on continue toujours plein nord, et après on peut récupérer la voie Amiens-Beauvais. Alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que bien sûr nous sommes dans une sorte d'immense espace vide, mais tout le monumental, toutes les sculptures sont à l'avant, c'est bien ça ? Voilà, ce qui fait le caractère véritablement exceptionnel du lieu, c'est cette immense façade qui se déploie sur 70 mètres de long le long de la voie romaine, donc de l'axe routier majeur de l'époque. Et on est sur une façade hyper monumentalisée, elle fait 9,50 m de haut et elle est percée de 13 arcades. On peut aller voir, on peut se déplacer, il faut passer à peu près par où pour se rendre sur cette façade ? Alors on va contourner en fait les zones inondées. Alors justement, vous avez été inondé, les orages, la grêle, voilà, tout ça, ça ne fait pas le bonheur d'un découvreur chanceux. Non, lundi ça a été vraiment terrible, on avait déjà beaucoup d'eau et il a plu toute la journée. Donc là, quasiment les plus beaux blocs sont sous une vingtaine de centimètres d'eau, c'est vraiment très très dommageable pour eux. Et vous avez des problèmes de conservation ? Vous voyez par exemple la statuaire ou les bouts de mur se dégrader peu à peu ? Oui, bah, comme ils sont gorgés d'eau, c'est vrai que là on a beaucoup de difficultés à les toucher et là on a vraiment des gros problèmes de conservation. Véronique Brunet-Gaston, nous voici donc devant ce fronton. Je dirais c'est un fatras de pierre. Oui, un petit peu. On est quand même sur justement un gros désordre, mais organisé. Ça s'organise comment ? On est au niveau de la façade qui donne sur la voie romaine. Et suite à un épisode climatique un petit peu comme celui qu'on a subi, les fondations se sont déstabilisées. Et vu le poids de cette façade qui fait 70 mètres de long, c'est énorme. À un endroit, on a dû avoir un poinçonnement un petit peu plus fort et tout est tombé comme un château de cartes, complètement à plat. Donc on a la lecture de tous les membres architecturaux à plat sur le sol. C'est-à-dire que le bloc devant lequel nous sommes, d'ailleurs, c'est quoi ? Est-ce qu'il était à peu près dans sa position initiale ? Donc là, on est sur une architrave, donc c'est un élément horizontal. Et en fait, il est complètement retourné. Donc devant nous, en fait, on a une partie lisse, on a juste les moulures. Et ce décor-là était tourné vers l'intérieur du sanctuaire. Et de l'autre côté, on a toute une série de bandes décorées d'éléments végétaux et d'un méandre à grec qui, lui, était sur la voie romaine. Ce temple date à peu près de quelle époque ? Il a été édifié sous le règne d'Antonin. Dans le courant du second siècle, Antonin a vécu très très vieux. Il a vécu jusqu'à 76 ans, si je me souviens bien. C'est un des plus longs règnes après celui d'Auguste. Et on est dans une période de paix, la paix romaine, la Pax Romana. Donc on est en pleine prospérité. C'est vraiment le moment où des édifices magnifiques fleurissent en Gaule. En Gaule et à Rome ? En Gaule, à Rome et dans tout le monde romain, en fait. Est-ce que l'on peut discerner quand même, avec tous ces blocs alignés, la structure originelle ? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de ligne avec des avancées de statuaire. On a vraiment, donc, comme tout s'est effondré vraiment à plat, toute l'organisation est lisible pour... on va dire quand même pour les spécialistes, mais une fois qu'on donne les clés de lecture, c'est vrai qu'on comprend bien comment se développe l'édifice, même si on a quand même pas mal de manques, puisque certains blocs ont été récupérés après la chute de l'édifice pour reconstruire un monument pour l'instant un petit peu énigmatique à côté du temple central. On va se déplacer, on fait 2 mètres pour découvrir... un bloc et sur le côté une sorte de chevelure. Voilà, donc là on est devant la tête d'un Jupiter Amon. Comme l'intégralité de la façade est tombée, si on se met à la place de la façade, on a les yeux qui regardent la voie romaine et on est tombé sur le dos. Donc ce qui est dommageable, c'est que tous les visages ont été détruits, soit lors de labours à l'époque médiévale ou par le gel, puisque les structures étaient recouvertes de simplement au maximum 50 cm de terre, donc elles ont souffert beaucoup de ça. par contre, on a toutes les chevelures et les arrières de tête de bien conservées. Et sur cette statue en particulier, on a la corne et l'oreille de bélier qui identifient assurément Jupiter Amon. Ça paraît curieux, Jupiter d'un côté, romain, Amon de l'autre côté, égyptien. C'est quoi un Jupiter Amon ? Alors, il faut remonter sous le règne d'Alexandre le Grand, qui va justement, lorsqu'il commence à conquérir l'Égypte, va se recueillir au temple de Siva, donc en Égypte, donc un Amon. Et comme à l'époque antique, tous les dieux ayant à peu près les mêmes attributs sont mélangés, on se retrouve avec le dieu des dieux Amon, identifié au dieu initialement grec Zeus. Et comme après tout glisse dans la mythologie romaine, on se retrouve avec un Jupiter Amon. Alors ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'Alexandre, du moins dans les textes arabes, était décrit comme le bicornu, donc celui qui tient les deux cornes du monde. C'est assez étonnant. Est-ce qu'on peut imaginer une erreur d'architecture ? Tout ça est gigantesque, 60 mètres de long, combien de haut ? Et est-ce qu'il peut y avoir une faute architecturale ? Je pense en fait que l'architecte devait peut-être aussi être étranger et ne s'est pas suffisamment méfié du sol sableux et de la couche d'argile qu'on a environ à 2 mètres sous le sol, qui fait une véritable cuvette, une véritable bassine. Et quand il pleut, là on peut le voir tout autour de nous, on a un joli petit lac qui s'étend à nos pieds. Qui a construit ce temple ? Pour l'instant, on est encore dans la recherche, mais on a des indices. Justement, ce Jupiter Amon est toujours lié au culte impérial. Dans tout ce qui est recherche sur les forums impériaux durant le 1er siècle, il est associé à Méduse, et justement, on a trouvé une tête isolée, une tête bien joufflue, qui est un peu grimaçante, qui pourrait vraisemblablement être cette Méduse. Donc, ces deux divinités associées renvoient à un culte d'un très très haut niveau, justement au niveau de l'Empire. Et ce ne serait pas Rome, de toute manière, qui a construit le temple. On peut penser à des notables locaux. Oui, on peut penser à vraiment un gouverneur de région, ou vraiment une. Si on est justement dans le cadre d'un culte impérial ou d'un assimilé forum, puisque justement cette grande espace plein de vide semble accueillir du monde. On a 13 entrées qui permettent de rentrer dedans. C'est vraiment pour favoriser les flux vers cet édifice. Alors en regardant un peu les blocs, j'imagine donc une série d'arcades, vous disiez 13, c'est bien ça. Voilà. Au-dessus, qu'est-ce que l'on aurait ? Donc 13 arcades avec dans les écoinçons autour de ces arcades, il faut s'imaginer un arc de triomphe, mais multiplié par 13 en fait, avec une porte centrale avec une dédicace et de part et d'autre, 2 fois 6 arches avec des scènes narratives évoquant à chaque fois des thèmes mythologiques. Et au-dessus ? Toute une frise de monstres marins qui se développe. On a par exemple un cheval qui pose son sabot sur un grand vase et l'arrière-train se compose d'enroulements de serpents. Et encore au-dessus, donc on a ces fameuses têtes alternées de griffons aux ailes déployées. Tout aussi exceptionnel de trouver ces animaux protecteurs, grandeur réelle, on va dire, figés dans la pierre. Et des animaux marins en pleine Picardie continentale, ça paraît un peu curieux ? On n'est pas très loin de l'Oise. Et puis on a aussi deux dieux fleuves. Donc le lien avec l'eau est toujours très très important dans la culture gallo-romaine et romaine par extension. Vous dites des dieux fleuves, c'est quoi un dieu fleuve ? Et vous savez les noms de ces dieux ? Non, mais c'est vrai que la représentation est très stéréotypée en fait. On a généralement un personnage barbu, plus ou moins hirsute, qui s'accoude à une grosse urne qui verse de l'eau. Alors, juste à côté, à environ 2,50 m, un autre bloc avec, semble-t-il, encore de la chevelure. Alors, plus exactement, c'est 3,60 m d'anthraxe entre chaque sculpture. Bravo. Qui développe justement à l'intérieur ces fameux arcs. Et donc, on a un très beau griffon qu'on voit encore bien en connexion avec cet étage d'attique. Là encore, on revient au référentiel d'un arc de triomphe avec cet élément qui surplombe une arcade. Et on voit encore justement les muscles du torse, le départ des ailes bien dessinées sur collées au corps, et puis les ailes qui sont tombées. Oui, le griffon est à moitié dans l'eau, il va falloir peut-être le dégager assez vite. On a quasiment fini de fouiller toute cette zone, de dégager la terre. Donc là, on va utiliser des moyens bien plus importants de levage pour les préserver et les emmener dans un dépôt pour qu'ils sèchent gentiment. Donc si je comprends bien et à vous écouter, les griffons, ils étaient tout au sommet du sanctuaire, c'est bien ça ? Voilà, oui, donc là on a devant nous un petit peu plus loin une petite maison qui a donc un étage et puis une petite toiture. On est dans ces horizons-là, les griffons se développent à environ 9,50 m de haut, donc c'est quand même très, très très haut. Et il faut imaginer justement qu'il faut se mettre quand même assez loin pour les voir en fait, pour avoir vraiment le bon angle de vue. Alors, d'après ce que je sais, des griffons avaient été trouvés dès le premier test, dès ce que vous appelez le diagnostic, quand on vient voir s'il y a des vestiges archéologiques, déjà des griffons avaient été trouvés ? Un des deux griffons qui encadrait justement l'arc central qui est justement dans l'axe du temple, et un autre un petit peu plus loin, je pense que c'était celui le dernier de la rangée en fait, qui encadrait toutes les sculptures qui avaient déjà été mises au jour lors du diagnostic, ce qui déjà avait fait justement, quand j'avais fait cette expertise, nous avait fait sentir qu'on était sur quelque chose de vraiment exceptionnel dans la représentation. Et immédiatement, on s'est aperçu qu'il s'agissait de griffons romains et non pas de griffons 19e. Rien qu'à voir les traces d'outils qui sont aussi, en fait, on voit en fait toutes sortes de petites rayures les unes à côté des autres. C'est ce qui sert à faire une surface d'accroche pour ensuite mettre un revêtement peint, puisqu'il faut imaginer aussi ça, complètement peint et rehaussé de couleurs assez vives. De la couleur, vous en avez trouvé ? On a encore pas mal de traces polychromes, surtout des fonds rouges, mais aussi un petit peu de liseré rouge qui justement rehausse toutes les arêtes et les lignes de couleurs, et parfois des fonds verts, des fonds bleus. C'est des choses vraiment des couleurs très rarement retrouvées, ces bleus et ces verts. Rouge, vert, bleu, tout ça, ça devait être un peu criard. Comme maintenant, on restitue le Parthénon à Athènes, on est sur des rouges vifs, des bleus vifs, ça frappe l'imagination. On est dans un courant de couleurs et pour frapper le, on va dire, pas le bas peuple, mais c'est la même chose qu'on retrouve maintenant dans les édifices médiévaux. On redessine les couleurs des façades et c'est quand même très très bariolé. Alors, un griffon, un deuxième griffon un peu plus loin, entre les deux griffons, une sculpture. Qui est-ce ? Ah bah, celle-là de sculpture, là, pour l'instant, on est quand même bien embêté parce qu'elle est... on n'a plus que les raies arrière de la chevelure. Pour l'identifier, ça va être assez problématique. On en a une autre un peu plus loin qui est bien plus sympathique. Elle a de très très belles anglaises. Je suis intimement convaincu qu'il s'agit d'un Apollon. On va essayer de se déplacer un peu, parce que nous sommes actuellement qu'au début du temple. Et les distances sont malgré tout... on est dans du monumental. Là, je crois qu'il y a un visage, en fait. Ah oui. Donc un visage dont la joue a été un peu râpée. Il a souffert dès l'Antiquité. Il souffre aussi de son ouverture à l'air libre, puisqu'en fait c'est un des bleus qui a le plus, on va dire, verdi. Là, il n'a pas sa polychromie initiale. Il y a beaucoup de mousse qui se développe dessus. On va avancer. Vous avez laissé au milieu du chantier une grande berme, j'imagine, pour les problèmes de stratigraphie. Ça nous permet d'essayer de comprendre justement le mécanisme d'effondrement et de voir comment les couches se succèdent avant l'effondrement et après. Qu'est-ce que l'on va avoir ? Parce qu'on est... C'est un véritable puzzle, là. Oui, oui. Bah là, on va se positionner justement devant une des arcades à côté de l'arcade centrale, puisque celle-là, hélas, a été complètement récupérée. Donc on n'aura pas les éléments de l'inscription, même si au diagnostic, un tout petit fragment de lettrine en bronze a été trouvé. Donc c'est vraiment dommage, là on n'aura pas accès justement assurément à qui a été le commanditaire et à qui exactement c'était dédié. Voilà. Donc il y avait une dédicace en bronze. Voilà, oui, oui. On a un bloc où il y a encore les traces d'encastrement de ces lettres. Et on n'arrive pas à découvrir deux, trois lettres qui permettraient d'en savoir plus ? Non, c'est vraiment trop fragmentaire. On a 20 cm de bloc avec ces cavités, donc c'est pas possible d'envisager quoi que ce soit. Là-bas, De nouveau, on voit un bout de sculpture, bien sûr, cassé. De quoi s'agit-il ? Voilà, ben donc on est justement sur le premier dieu fleuve. On voit juste son coude et le départ de l'eau signifié en pierre. Et on a son symétrique une vingtaine de mètres plus loin, en fait. Et puis là-bas, un très beau pied. Dans ce fatra, on retrouve toujours des éléments humains, des éléments végétaux. Donc là, on a le pied d'une statue en relief, peut-être liée à la frise ou justement à ce décor d'un décoinçon. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et un petit peu plus loin, on a justement les premiers éléments de frise les mieux conservés, avec notamment un très très beau torse masculin. Où ça ? Donc là, au niveau, justement, donc on a cette architrave avec le décor de méandra grec. Bon, il est un petit peu érodé, mais on voit bien l'épaule, le départ du biceps et le torse, et il est penché vers l'avant. Alors, qui sont les artistes de toute cette statuaire ? Vraisemblablement, pas un atelier local. Hein. On est vraiment sur de la sculpture typiquement hellénisante. C'est peut-être des sculpteurs soit romains, soit peut-être même une équipe qui a pu venir de Grèce. C'est incroyable, c'est du jamais vu en Gaule. Bah, on a un petit peu le pendant justement avec le temple de Chanlieu. On retrouve déjà, qui est connu depuis quand même un certain nombre d'années, cette sculpture avec ce côté justement très Grèce classique, en fait, des choses vraiment extrêmement bien léchées, on va dire, et avec des scènes mythologiques très très particulières qui sont mises en œuvre. Alors la scène mythologique principale, elle est à environ 7-8 mètres, on va aller la voir, oui. Et elle est tout à fait extraordinaire, parce qu'on est quand même sur de la grande sculpture. Le gallo-romain, quelquefois, j'exagère un peu, mais c'est un peu mou, non ? Oui, c'est le gallo-romain local, surtout le gallo, c'est pas toujours, on va dire, exceptionnel. Là, on est dans une représentation hyper réaliste, notamment, donc là, on a donc cette tête de vieille femme qui, pour l'instant, émerge de l'eau, qui semble crier au secours, en fait. Elle a vraiment un faciès très âgé, presque un côté médiéval, on va dire. Et à côté, une sublimissime Vénus. Oui, en effet, on a donc une Vénus accroupie, donc elle est à demi dénudée, on voit encore les vestiges de sa poitrine, elle est accroupie, toute la partie basse de son corps est revêtue d'un drapé qui se déploie de façon vraiment harmonieuse sur ses jambes et dénude le bas de son corps. Elle est dans une position très acrobatique puisqu'elle repose sur la jambe gauche, juste sur le bout de l'orteil, en fait, hein. C'est très très élégant. Et cela raconte un mythe. Alors c'est un mythe très croustillant, très difficile à trouver justement. On en trouve la mention à la fois dans l'Odyssée d'Homère et dans les Métamorphoses d'Ovide. C'est un moment très très particulier. Vénus a une liaison avec le dieu Mars. Ils sont tous les deux surpris par Vulcain qui les emprisonne dans un filet magique et les montre à l'opprobre de tous les autres dieux olympiens. Et Vénus, mortifiée d'avoir été ainsi présentée, va se cacher dans ces bois sacrés dits du Caucase. Et là, après, justement, tous les autres dieux la cherchent. Et une vieille femme va la trahir, en fait, et dévoiler sa cachette. Vénus, de rage, va la transformer en pierre. Donc là, on la trouve ici pétrifiée. Et ce qui permet d'identifier ce moment, c'est qu'en fait, la vieille femme porte la main vraiment juste à l'embouchure de sa bouche, vraiment comme pour chuchoter un secret à quelqu'un. Et c'est vraiment une scène narrative très, très expressive et complètement unique dans les représentations que je puisse connaître à ce jour. En tout cas, on peut dire que cette vieille femme est à la laideur, ce que Vénus est à la beauté. À peu près, oui, mais c'est vrai qu'elle est, elle est tellement belle dans son expressivité que c'est dommage que la Vénus ait perdu la tête, mais on a vraiment cette représentation de vieille femme qui est vraiment magnifique. Vous n'avez aucune chance de la retrouver, même derrière un bloc ? Peut-être, puisque là, au fur et à mesure qu'on est en train de démonter l'édifice pour justement le préserver, il n'est pas rare que quand on soulève un bloc, on retrouve quelque chose d'aussi exceptionnel. Hier, par exemple, on a pu mettre au jour justement une Athéna avec son serpent fétiche. Ça, c'est vraiment de la très grande sculpture. Il faut que ça aille dans un très très grand musée. Ah, j'aimerais bien que ça aille, oui, dans un grand musée. J'aimerais que le Louvre puisse l'accueillir ou que on construise un magnifique musée à Pont-Sainte-Maxence. Alors, nous avons Vénus, nous avons Athéna, nous avons Zeus, nous avons peut-être Apollon. On aurait qui d'autre ? Quand on a commencé à dégager les blocs, on a trouvé un petit fragment d'un paon, donc la tête d'un paon avec sa petite aigrette. Donc ça, on est sur l'animal fétiche de Junon. On a une tête du dieu des morts, du dieu Hadès. On a aussi une tête justement de Vulcain. On a quasiment tous les grands dieux olympiens de représentés. Et ça, est-ce que c'est rarissime en Gaule, voire dans l'Empire romain ? Dans l'Empire romain, je ne sais pas exactement, mais c'est en Gaule d'avoir une façade de cette ampleur avec, on va dire, les 12 dieux olympiens de représenter. Mes connaissances, ça n'existe pas. Donc on est dans une sorte de registre unique, hein. C'est ce qu'on appelle en archéologie un apax, c'est vraiment quelque chose de... ou un unicum, c'est vraiment que c'est unique, quoi. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quelle est votre tâche ? Bien sûr, préserver, démonter, avoir des centaines et des centaines peut-être de palettes, et puis tenter une reconstitution ? Oui, donc la suite, ça va être déjà de les laisser sécher tranquillement, de les stabiliser pour qu'ils ne souffrent pas plus. Et ensuite, il va y avoir une très très longue phase de dessin des blocs les mieux conservés, afin de... Mon collègue architecte Christophe Gaston a déjà mis justement en élévation tout cet édifice, ce qui nous a permis d'avancer justement bien sur sa compréhension. Il va falloir dessiner les blocs sur chaque face, pour pouvoir justement bien comprendre comment ils s'organisent, pour peut-être justement, avec les moyens 3D qu'on a actuellement, faire des numérisations 3D pour peut-être pouvoir restituer, peut-être à moindre échelle, cet édifice, le remettre in situ, peut-être sur quelques arcades. Alors parmi les blocs, on voit quand même aussi des tiges de métal, c'est normal ? Alors ça, c'est aussi quelque chose de vraiment exceptionnel, parce que quand on voit des édifices romains encore ou gallo-romains en élévation, on voit souvent des trous en fait entre chaque bloc. En fait, dès l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge, en fait, les gens vont récupérer le plomb et le métal, qui sont ces éléments de scellement qui collent les blocs les uns aux autres. Donc là, on est sur un élément en métal qui fait environ 20 cm de long, qui a la forme d'une agrafe, et qui permet donc de lier deux blocs les uns aux autres, qui est ensuite recouvert de plomb. Comme la façade était justement entièrement liaisonnée avec ces agrafes, c'est ce qui a en plus amplifié justement la chute. Tout était tellement bien lié que tout est tombé d'un seul tenon. Et ces éléments ont finalement cassé leur propre scellement et se retrouvent éparses, mais quasiment là où elles étaient en place initialement. Donc Véronique Brunet-Gaston, pour conclure, on peut dire qu'un architecte, peut-être issu de Rome ou de l'Empire romain, vient créer un grand temple, un grand sanctuaire à Pont-Saint-Maxence. Il fait peut-être une erreur. Des artistes aussi, peut-être venus de Grèce, viennent aussi à Pont-Saint-Maxence faire cette réalisation. C'est à peu près ça, le tout, donc, autour du IIe siècle. Voilà, c'est ça. Vous avez bien résumé. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Catherine Denet.